C'est l'heure de la méthode scientifique et c'est évidemment avec vous, Nicolas Martin. Bonjour. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange et à demain. À demain. Je vous dis que Google, il y a une dizaine d'années, arrivait à prévoir assez finement les épidémies de grippe et même de les anticiper légèrement en fonction des requêtes lancées dans son moteur de recherche, c'est une chose. Si je vous dis maintenant que le même Google vient de dévoiler un nouvel algorithme qui permet de définir avec précision les risques pour un patient hospitalisé de décéder ou que des algorithmes prédictifs sont largement utilisés par la justice américaine pour évaluer les risques de récidive d'un prisonnier ou encore qu'un tout nouvel algorithme arrive à anticiper ce que vous êtes sur le point de cuisiner juste en observant vos mouvements dans la cuisine, alors peut-être les machines sont-elles en train d'apprendre à voir dans le futur. Algorithme prédictif, la nouvelle boule de cristal, c'est le sujet qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour lire dans cette boule de cristal informatique, nos deux Madame Irma du jour sont Claire Mathieu, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de recherche CNRS et titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Et bonjour Cédric Gouy-Payet. Bonjour Nicolas. Vous êtes chercheur au laboratoire analyse de données et intelligence des systèmes du CEA. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours sur les ondes de France Culture et en parallèle sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors on va commencer par quelque chose de très simple finalement. Cédric Gouy-Payet, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme prédictif? Qu'est-ce qu'on appelle un algorithme prédictif? Alors effectivement, algorithme prédictif, je pense que c'est important de définir qu'est-ce qu'on entend par prédiction. Parce que on trouve, déjà il y a une confusion entre l'anglais, le français. Historiquement, la prévision, c'est pour le futur. Donc on fait une opération à un moment donné et on a envie de prévoir ce qui va se passer à un horizon certain. Ce qui rend les choses un petit peu complexes, c'est que en anglais, on appelle predict. Et par exemple, même les modèles météo, qui sont les weather prediction en anglais, donc on utilise le mot prédire aussi en anglais. Donc on va dire que la prévision, c'est pour le futur, la prédiction, c'est pour un terme plus général, pour le présent et tout ce qu'il y a autour. Pour le présent immédiat, en quelque sorte. Comment est-ce que vous le définiriez avec vos termes, Claire Mathieu, cet algorithme prédictif? Je pense que je le définirais par un exemple. Si tous les jours, je sors de chez moi pour aller prendre les transports, pour aller travailler à, disons, 8h du matin, eh bien, ma voisine sait que demain, elle s'attend à me voir passer à cette heure-là. Donc, elle a appliqué son algorithme personnel. Et elle sait prévoir quand je vais passer devant chez elle. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un terme, cet algorithme prédictif. J'en jouais un peu dans l'introduction, ce côté boule de cristal, Madame Irma, on va deviner le futur, un peu Minority Report, en imaginant que d'un seul coup, les machines vont anticiper sur l'avenir. Ce sont en fait des mécaniques assez simples que l'on retrouve partout dans nos pratiques numériques. Un algorithme prédictif, c'est ce qui fait que quand je rentre des premières lettres dans un moteur de recherche, eh bien, le moteur de recherche qui a l'habitude de me voir partir à 8h du matin pour aller au travail va dire « Ah ben, il va plutôt chercher le bus que chercher un hélicoptère, en fait. » C'est quelque chose comme ça, Cédric Gouy-Payet. Voilà, c'est ça. Ce qui rend aussi les choses un peu complexes, c'est que sous aujourd'hui, les termes qu'on utilise couramment, comme l'intelligence artificielle, la prévision, la prédiction, les algorithmes, c'est à chaque fois à peu près toujours les mêmes. Alors, les modes récentes veulent que le deep learning et pris un petit peu le dessus sur tout un tas d'algorithmes parce qu'il résout des tâches qui sont proches de ce qu'on fait nous avec la vision, le son, etc. Donc cet algorithme, on en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais finalement il y a tout un tas d'algorithmes qui sont des algorithmes de machine learning, qui sont une classe de méthodes beaucoup plus large. Deep learning, c'est l'apprentissage profond. Machine learning, c'est l'apprentissage assisté. Je vous laisse le redéfinir si vous voulez. Moi, je dirais que deep learning, c'est une méthode pour faire du machine learning. Donc, il y a des méthodes qui n'existaient pas il y a très très longtemps. Il y a des méthodes qui existaient depuis très longtemps. Par exemple, quand au 18e ou 17e siècle, les astronomes avaient envie de comprendre les positions des astres autour de la Terre, ils prenaient ce qu'ils observaient dans l'histoire et ils utilisaient les séries de Fourier pour décomposer le mouvement et à partir de ça, ils en déduisaient ce qui va se passer dans le futur. Donc ça, c'est des prévisions. C'est de l'algorithme, enfin, c'est une démarche algorithmique en tout cas. Donc on a une démarche algorithmique dans laquelle, effectivement, d'un point de vue mathématique, on met en entrée un certain nombre de variables. Alors suivant les domaines, on appelle ça des variables, des caractéristiques, en anglais des features. Et cette fonction mathématique, elle va donner une sortie. Voilà. D'un point de vue informatique, on parle d'algorithme parce que comment on arrive de l'entrée à la sortie? Bah, c'est par une succession finie d'instructions qui passent de l'entrée à la sortie. Ces algorithmes prédictifs, ce sont en fait, on pourrait le dire d'une autre façon, je parle évidemment sous votre contrôle à l'un à l'autre, ce sont des algorithmes, disons, d'optimisation, mais avec une visée particulière. On essaye d'anticiper un peu, de comprendre, d'aider, d'assister, de coller au plus proche d'eux. Habituellement, oui. Habituellement, on a un certain objectif en tête. Cependant, il y a une partie des techniques qui se font indépendamment du résultat. Par exemple, dans certaines méthodes avec des réseaux de neurones profonds, on peut commencer par faire de la compression des données et cela peut être une aide indépendamment de ce qu'après on veut en faire. Ça se fait quand il y a un enfant qui regarde un paysage et qui fait un dessin. Il extrait naturellement des informations complexes qu'il voit devant lui ou elle, quelques informations synthétiques qui représentent ce qui est important dans ce qu'il voit. Donc, la première partie d'un tel réseau de neurones commencerait par prendre les données et en extraire ce qui est important, faire de l'abstraction, sans même savoir a priori ce à quoi ça servira, idéalement. Et finalement, avant de comprendre un peu quels en sont les usages et comment ils se sont répandus, parce qu'encore une fois, ces algorithmes prédictifs, on peut prendre un exemple tout de même avant de comprendre comment ça fonctionne, un exemple dans l'actualité immédiate, on en parlait il n'y a pas très très longtemps ici, aujourd'hui on a effectué sur des centaines de milliers de simulations avec un certain nombre de paramètres, des statistiques qui nous donnent par exemple aujourd'hui à, je crois, un peu plus de 17%, l'Espagne, 18%, vainqueur de la Coupe du Monde de football. C'est ça un algorithme prédictif, de facto, Cédric Gouvaillet. Tout à fait. Alors, dans l'exemple du football et de la Coupe du Monde, effectivement, ce que vont faire les gens qui utilisent les algorithmes prédictifs pour avoir le vainqueur de la Coupe du Monde, c'est qu'on va déjà se ramener à match par match. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va prendre l'historique de ce qui s'est passé équipe contre équipe. Si par exemple dans la poule A, je me souviens plus des poules, mais peu importe, équipe A contre équipe B, on va prendre l'historique des parties qui ont été jouées. On va regarder d'abord statistiquement, est-ce qu'il y a un biais, c'est-à-dire le Brésil gagne toujours contre telle autre équipe. Donc ça, c'est une première information qui peut être une entrée de l'algorithme. Ensuite, on va chercher à ajouter d'autres informations dans les algorithmes, de manière à rendre les choses plus précises. Si par exemple quand on s'aperçoit que quand il fait 30 degrés, ce score-là qui est le Brésil va toujours gagner, il est un petit peu moins vrai. Ben c'est une variable qui peut être intéressante à mettre dans le modèle. Donc on va petit à petit comme ça essayer d'ajouter des autres variables, des variables sur le temps, des variables sur l'état de santé des joueurs, des variables sur l'heure à laquelle le match de foot a été joué. Et au fur et à mesure, comme ça, on va agrémenter notre modèle, on va lui ajouter des variables d'entrée, et on va essayer d'entraîner l'algorithme de manière à ce que, étant donné les variables d'aujourd'hui à 16h, est-ce qu'on est capable de donner les probabilités de telle ou telle équipe qui gagne. Ensuite, on fait ça évidemment match par match. On fait des centaines de simulations, comme ça, qu'on appelle des simulations Monte Carlo. On fait des centaines de simulations et on arrive à la fin avec certaine probabilité que l'équipe A ait passé l'ensemble des stades de la compétition. En l'occurrence, l'Espagne à 18% devant l'Allemagne, le Brésil et la France pour cette Coupe du Monde, selon un des modèles testés par une IA sur environ 100 000 simulations, donc avec effectivement beaucoup de paramètres. En fait, si on résume un peu, et c'est intéressant de voir ce que vient de décrire Cédric Gouy-Payet, les briques de ces algorithmes prédictifs, on a trois temps. On a un temps où on accumule les données, les joueurs, etc. Le deuxième temps où on modélise les relations statistiques en fonction de ces données. Et dans un troisième temps, on exploite et on déduit de cela un modèle prédictif qui va du coup inférer la variable qu'on est en train d'essayer de chercher à prédire. Est-ce que je résume correctement les choses selon vous, Claire Mathieu ? Oui, je pense que c'est un bon résumé. La partie à trouver les paramètres et avoir suffisamment de données est essentielle. Je me rappelle qu'il y a une trentaine d'années, j'avais une jeune collègue, là où j'étais alors, qui devait prédire, elle était, une partie de son travail, c'était pour prédire le niveau de pollution dans la ville chaque jour pour le lendemain. Et elle avait un certain nombre de données, en particulier les données météo. Mais la donnée qu'elle n'avait pas, c'était le taux d'émission des raffineries voisines. Et elle l'avait demandé, et les raffineries avaient répondu « Non, vous n'avez pas besoin de ça parce que ce n'est pas une information pertinente. Bon. » Mmh. Et du coup, elle avait trouvé, après des mois de recherche, que la meilleure prédiction, c'était de dire que le taux de pollution le lendemain du jour J, c'était la même chose que le jour J. D'accord. Alors, effectivement, je crois que quand on n'a pas les bons paramètres, on ne peut pas faire grand-chose. Évidemment. J'aimerais, on va examiner, il y a deux grands champs où ces algorithmes prédictifs sont déjà assez largement utilisés et puis posent un certain nombre de questions. On va parler du champ judiciaire et du champ médical. Mais avant, j'aimerais un peu votre réaction à cette annonce assez récente. Ce sont des résultats qui ont été présentés par une équipe de l'Université de Bonn en Allemagne le 13 juin dernier. Alors, cette équipe parle d'une machine voyante. Il utilise le mot voyante parce que cet algorithme arrive à anticiper à partir de l'analyse de quelques secondes des débuts d'une séquence vidéo ce qui va se produire par la suite. C'est-à-dire que quand on montre à cet algorithme une vidéo, par exemple, où quelqu'un est en train de faire une action type préparer à manger, préparer un petit déjeuner, avec un taux de réussite assez élevé, jusqu'à 60-70%, cet algorithme arrive à inférer la suite de ce qui va se passer à partir vraiment des quelques premières secondes de l'analyse de la vidéo. Que faut-il en penser, Cédric Gouy-Payet ? Ça amène plusieurs remarques. Déjà, ça veut dire qu'il faut que les séquences vidéo soient assez déterministes. C'est-à-dire que la machine, alors là, probablement du deep learning, probablement ce qu'on appelle des modèles de séquences, en fait. C'est-à-dire dans lesquels on va rentrer en entrée du deep learning une séquence petit à petit et on va faire apprendre au réseau à prédire la suite. Donc cet aspect-là, c'est pas apparu avec le deep learning. Quand on prend les séries économiques, historiques ou économétriques, par exemple en finance, on a toujours cherché à faire ça. C'est-à-dire on a le cours de telle action jusqu'à aujourd'hui 16h. On a envie de savoir entre 16h et 17h30, par exemple, comment ça va se terminer. Et historiquement, on utilise des modèles qui sont beaucoup plus simples, qui sont des modèles, en finance, pas toujours très simples. Certes. Pas toujours très simples. Mais qui sont pas du deep learning. Disons qu'ils sont un petit peu moins riches en paramètres. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu nouveau quand même, c'est qu'avec le deep learning, on est capable de faire ça sur des images naturelles. Et c'est ça qui est nouveau, c'est que l'entrée est devenue, la richesse de l'entrée est devenue gérable par des algorithmes qui sont du deep learning. Et donc, on est capable de quand on donne en entrée des images, de savoir ce que la machine va s'attendre à avoir dans la suite. Ce qui serait intéressant de savoir sur ça, c'est combien d'heures de film il a fallu utiliser pour qu'elle apprenne à faire ça. Je suis sur la publication là, ça ne dit pas combien d'heures de film. Ça ne dit pas combien, et donc voilà. Ça veut dire que finalement aussi, peut-être que dans les scènes qu'on filme au cinéma, il y a un certain déterminisme dans les scènes, et que c'est ce déterminisme qui a été utilisé par les machines. Votre opinion sur ce cas très très particulier, Claire Mathieu ? Oui, je suis d'accord qu'il y a une question de complexité, de quantité de données d'entrée qui sont nécessaires pour calculer la bonne sortie. En fait, il y a un théorème d'approximation universelle qui dit que pour toute fonction continue, si vous avez suffisamment de données d'entrée, vous pourrez approximer avec juste une couche cachée à epsilon près n'importe quelle fonction de sortie. Mais la taille de l'entrée dépend de la fonction que vous cherchez à approximer. Et donc, peut-être qu'ici, ils se débrouillent assez bien parce qu'ils ont une quantité énorme d'entrée. Si on extrapole un peu autour de votre premier exemple du trajet de 8 heures pour aller prendre le bus pour aller au travail, finalement, effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, compte tenu de la capacité de traitement de données de plus en plus vaste, des capacités de calcul de plus en plus puissantes, on peut, sur un individu donné ou sur une action donnée, arriver à avoir un tel nombre de paramètres que l'on peut imaginer que, très rapidement, un algorithme va comprendre que dans les 3 prochaines secondes, je vais prendre mon téléphone pour le retourner parce qu'il a constaté que mon regard se portait. Enfin, on voit qu'on commence même à trouver des algorithmes qui arrivent à ce genre de prédiction à très peu de temps, mais sur Twitter, qui arrivent à dire le prochain sujet le plus traité va être dans 20 minutes celui-là, parce qu'on arrive à un taux de convergence avec un taux de données tellement important qu'il devient effectivement plus facile de les inférer. Est-ce que je me trompe ? C'est vrai, et ça, ce qui est impressionnant, c'est que, par exemple, si on fait l'analogie avec la météo, dans lequel on a donc les sciences de la météo, on a à un moment donné un état du système qui est extrêmement complexe, avec les masses d'air, les vents, le soleil, etc., etc. Et donc ce qu'on sait sur les modèles météo, c'est que plus on va chercher à prédire longtemps, et plus ça va diverger parce qu'il y a des aspects chaotiques dans le système dynamique, et que donc déjà il faut bien connaître le système initial. Et ensuite, il faut s'assurer que les équations qu'on a mises dans le modèle, quand c'est des modèles physiques en météo, ça diverge pas trop. Aujourd'hui, on arrive à faire des prévisions à 5-7 jours. Donc là, c'est impressionnant parce que ça veut dire que dans le cas de la vidéo, du texte, on arrive, alors probablement à un horizon assez restreint, hein, probablement quelques secondes, quelques minutes, on arrive à prendre en compte l'état initial du système, à faire générer à la machine des nouvelles données, et que on a quelque chose qui est assez fiable pour que ça ait du sens au niveau humain. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez impressionnant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons des algorithmes prédictifs tout au long de cette heure en compagnie de Claire Mathieu et de Cédric Gouy-Paillet. Alors on va passer à des cas pratiques, à des cas concrets d'algorithmes prédictifs qui sont aujourd'hui utilisés au jour le jour dans un certain nombre de secteurs de la société. On va commencer par la justice. Alors évidemment, la justice rendue par ordinateur sur le papier, c'est vrai que ça peut inquiéter un peu. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé constater que ces algorithmes prédictifs n'ont absolument pas pour objectif ou pour vocation de remplacer les juges ou les avocats. Oui, qu'on se rassure, en effet, les algorithmes prédictifs dans le domaine de la justice ne sont pas là pour remplacer les jugements humains d'un tribunal, mais plutôt pour accompagner les professionnels de justice dans les choix qu'ils feront. J'ai rencontré Louis Larechaïn, qui est le cofondateur de Predictis, qui est une start-up qui propose justement un algorithme de justice prédictive, même si le terme n'est pas forcément heureux, à des avocats ou à des services juridiques d'entreprise. Il nous explique le fonctionnement de cet algorithme d'aide à la décision juridique, comment on développe un tel algorithme permettant d'anticiper par la statistique et selon le cas jugé, des tendances en matière de verdict et donc la stratégie juridique à adopter. Pardon. Quand on a dit qu'on voulait utiliser des technologies du machine learning sur les décisions de justice, il y a à peu près tout le monde qui nous a pris pour des fous. Pourtant, il y avait toutes les conditions pour un renversement de paradigme. Les décisions de justice sont de plus en plus accessibles, l'information explose. Et puis il y a eu plusieurs avancées significatives dans le domaine du traitement du langage naturel qui par ailleurs dans d'autres secteurs donne lieu par exemple aux enceintes connectées, aux assistants vocaux et dont nous on utilise une autre facette pour aller comprendre le sens réel dans l'information juridique et en particulier dans les décisions de justice. Si vous voulez, ce qu'on a construit, c'est un peu l'équivalent pour les avocats de ce que peut être le scanner pour les médecins. C'est un outil qui va chercher de l'information avec une très forte valeur ajoutée, cachée dans une énorme masse de données. Pour être plus concret, ça sert principalement à trois choses. La première, c'est à mieux comprendre les enjeux du dossier. Si je fais un procès, combien est-ce que je peux gagner? Quels sont les arguments que je dois mettre en avant? Et du coup, en fait, ça sert aussi à provisionner ou à mieux négocier. Si je suis une entreprise et que j'ai un contentieux, combien est-ce que je dois immobiliser dans mes comptes? Et puis, à quel niveau je négocie? À quel niveau je transige? Et c'est là que ça a un impact positif sur le reste de la société, c'est que c'est censé apporter de la déjudiciarisation et une forme d'homogénéisation dans la façon dont la justice est rendue sur le territoire. Comment fonctionne finalement l'algorithme prédictif que vous avez établi? Avec quelles données vous travaillez? Quelles données vous recensez? Pour schématiser, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la collecte de la donnée. Aujourd'hui, le gros de nos données sont des décisions de justice qui sont fournies, pour faire simple, principalement par un partenaire, Wolters Kluwer, qui est un éditeur juridique, par le gouvernement et puis une partie par l'open data. Une fois que la collecte de la donnée est faite, il faut la traiter. Donc là, il y a toute une série d'étapes qui permettent de découper les relations de grammaire entre les mots, les relations de sens, de coupler les phrases avec des thésauses juridiques, des dictionnaires, pour vraiment comprendre le sens qu'il y a derrière. Et puis ensuite, il y a la partie création de l'interface utilisateur, où là, l'objectif, c'est de créer une atmosphère, les conditions de création d'une analyse qui soit à la fois fiable, précise et rapide. On accède par exemple à l'intégralité des décisions des 36 cours d'appel depuis un peu plus de 10 ans. Donc vous avez tout ce que les juridictions ont décidé depuis plus de 10 ans comme historique. C'est énorme, hein, c'est plusieurs millions de décisions qui traitent du coup de tout ce qu'a occupé la France ces 10 dernières années. Beaucoup de droit social, mais aussi du droit commercial, du droit immobilier. Bref, ce dont les juridictions sont saisies. Hein. Alors quand on parle de justice prédictive, là on s'est retrouvé un peu par hasard, et pas vraiment par hasard, derrière le palais de justice qui n'est plus occupé aujourd'hui, qui a été transféré. Mais bon, bref, on se situe aujourd'hui à côté du palais de justice. On parle de justice prédictive grâce à des algorithmes. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui s'inquiètent de voir la justice se numériser et échapper au choix humain du juge? La première chose à dire, c'est que la justice, elle a magnifiquement résisté à la mort de Dieu et elle résistera parfaitement à l'apparition des études statistiques sur des contentieux sériels. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul et mieux comprendre ce qui se passe. Le terme justice prédictive est un terme peut-être qui est marquant, mais qui trompe sur la réalité. C'est une mauvaise traduction de predictive justice, puisque évidemment les États-Unis ont là aussi été assez précurseurs sur le sujet. Les outils qui permettent d'avoir une approche plus mathématique et plus objective des cas existent depuis bientôt une dizaine d'années dans le contentieux anglo-saxon. Du coup, il faut pas se tromper. Justice prédictive ou étude statistique des décisions de justice veut absolument pas dire automatisation du processus décisionnel. À l'inverse même. En fait, cette information, c'est permet de mieux rendre la justice, de faciliter la prise de décision, de gagner en performance sur l'analyse des dossiers, d'avoir une forme de barémisation souple qui s'appuie sur l'intégralité de ce qui est rendu par les 9100 magistrats français. Le vaccin, le scanner, on pas remplacer les professions médicales. Eh bien, l'apparition de l'intelligence artificielle dans le monde du droit ne va pas remplacer les professionnels du droit. Au contraire, ça va les aider. Si on prend un cas concret, un avocat qui sollicite vos services, comment de sa demande jusqu'au résultat que vous lui proposez, ça va se passer et en quoi ça va l'aider, lui, dans son travail? Prenons, si vous voulez, l'exemple d'un avocat qui est dans son bureau. Il a en face de lui quelqu'un qui pense être victime de harcèlement moral. Il peut, grâce à cet outil, grâce à Predictis, avoir très rapidement un panel de décisions de justice qui correspond au cas qu'il a en face de lui, qu'il est en train de traiter. Je suis face à quelqu'un qui allègue des faits de harcèlement moral, qui est en CDI, qui a 43 ans, qui travaille dans le secteur de la télévision, etc. On peut enchaîner les faits marquants. Il trouve, mettons, 2800, 3000 ou 10 000 décisions qui correspondent à son cas. Et c'est sur ce panel qu'il va venir faire une série d'analyses et ça va lui permettre d'obtenir les chances de gagner le procès, le montant d'indemnité moyen, les arguments qu'il peut falloir déployer en fonction des juridictions, parce qu'il y a certains écarts, certains tropismes juridictionnels, notamment en fonction de variances dans les facteurs socio-économiques qu'on peut détecter sur le territoire. Bref, il va avoir toutes ces informations pour fournir une bonne analyse à son client, ce qui va améliorer sa relation avec lui, pourquoi pas lui permettre de facturer un nouveau service. Et puis derrière, surtout pour avoir un très bon accès à la décision qu'il va falloir prendre. Est-ce que oui ou non je fais un procès? Et si je ne fais pas ce procès et que je m'oriente vers un mode alternatif de règlement des litiges, à quel niveau est-ce que je négocie? Où est-ce que je fixe la limite? La suite pour Predictis, ça va être quoi du coup? Avec qui comment vous allez vous développer? Voilà, quelles étapes sont à venir? Notre grande vision, c'est d'être le plus utile possible pour les professionnels du droit et par ricochet pour le service public de la justice. Donc il y a plusieurs enjeux. Déjà de terminer de faire fonctionner nos algorithmes dans tous les domaines du droit. Il y en a un qui est bloqué, mais c'est pour des raisons éthiques. C'est le droit pénal. On a un comité éthique et scientifique qui se réunit régulièrement et qui, par ses préconisations, aujourd'hui a interdit le fonctionnement de ce type d'algorithme sur le droit pénal pour des raisons qui sont évidemment parfaitement légitimes et qui ont trait au maintien du pacte social. Sur d'autres domaines, par exemple sur le droit public, l'outil aujourd'hui n'est pas fonctionnel, donc ça c'est une zone sur laquelle il va falloir travailler. Et puis écoutez, derrière, si ça a bien fonctionné en France, il y a plein d'autres pays où les systèmes juridiques sont assez proches. Si ça a servi aux professionnels, aux services publics, aux justiciables en France, ça devrait pouvoir bénéficier à d'autres populations, au moins en Europe. Les algorithmes prédictifs au service de la justice, on l'a entendu, avec pour objectif non pas de remplacer les juges ou les avocats, mais de déjudiciariser, d'aller finalement dans un processus de rationalisation, en quelque sorte, d'objectivation de la justice en fonction des données recueillies sur toute la somme de données judiciaires qui sont mises à disposition. Qu'est-ce que ça vous évoque l'un et l'autre, Cédric Gouipaillé? C'est vrai que ce que j'ai retenu, plutôt la grande utilité de l'algorithme, c'est l'aspect homogénéisation des décisions de justice. Donc ça, je pense que ça a réellement un grand intérêt, probablement pour gommer un peu quelques inégalités qui sont liées à la géographie. Là où j'aimerais bien un petit peu aller, c'est... Ok, il y a beaucoup d'aspects prédiction, essayer de connaître le coût à l'avance. Je pense qu'il y a un aspect qui est sûrement traité par l'entreprise, mais sur lequel c'est important quand même de se pencher dans ces cas-là, justice, médecine, c'est qu'on a finalement des algorithmes qui aujourd'hui sont devant un certain test de confiance, c'est-à-dire que la société, elle voit qu'il y en a plein un petit peu de partout, et elle commence, comme c'est le cas aujourd'hui, à se poser un petit peu des questions sur la pertinence. Comment c'est fait, comment ça marche, etc. Donc il y a plusieurs manières d'aborder ces questions-là pour la communauté scientifique et pour les gens aussi qui utilisent les algorithmes. C'est comment, enfin il y a une partie plus a posteriori, une fois qu'on a la décision, amener de l'interprétabilité sur les algorithmes. Donc il y a plein de définitions de l'interprétabilité, mais c'est-à-dire alors. L'interprétabilité, c'est un concept qui est assez vaste, enfin assez flou. Si on prend par exemple quelqu'un qui s'appelle Tim Miller, qui a fait plutôt une approche en sciences sociales sur l'interprétabilité, il définit deux choses. La première question, c'est à quel point un humain peut comprendre la cause d'une décision. Mmh. Ça, c'est un premier niveau d'interprétabilité. Le deuxième niveau d'interprétabilité, c'est à quel point un humain va pouvoir prédire de manière consistante les résultats d'un modèle. Et donc si on arrive à fournir ça à des gens qui manipulent les algorithmes, alors probablement ils auront plus confiance dans la décision. Ça c'est un niveau d'interprétabilité. Et après, comme on se sert d'algorithmes mathématiques, il faut aussi donner tout le cadre théorique sur est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi avec les algorithmes. Parce que les algorithmes, on l'a pas trop détaillé tout à l'heure, mais il y a la partie apprentissage qui est la partie un peu immergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer quand on utilise un algorithme. Les données peuvent changer, l'algorithme peut ne pas avoir convergé, ou alors il peut y avoir des intervalles de confiance en sortie qui sont tellement gros que oui, l'algorithme il va toujours donner une solution, une prédiction. Mais finalement, si il y a trop d'incertitudes sur cette solution, alors... c'est pas utilisable. Et on va revenir dans quelques instants sur les questions qui se posent autour de cette utilisation judiciaire des algorithmes. On va voir qu'il y a déjà quelques biais qui ont pu être constatés, notamment dans la justice américaine. Mais j'aimerais votre réaction, Claire Mathieu, à ce reportage plus généralement. Ce qui me frappe dans la présentation de ces méthodes, c'est que en fait, elle n'utilise la loi que de façon très indirecte. C'est-à-dire que c'est pas du tout basé sur des principes, mais sur des exemples. Et du coup, c'est une approche de la justice qui est assez différente de l'esprit français. C'est pas comme ça qu'on pense les décisions de justice d'habitude. Et donc, ça ne peut être correct que dans la mesure où les décisions de justice passées sont correctes. Et ça suppose que le passé représente l'avenir, est une bonne image de ce qui va se passer. Et du coup, pour les problèmes nouveaux, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, il y a une certaine des limites qui sont par la conception même de ces méthodes, qui sont en fait de l'analyse de dossiers, où on passe de fournir à l'avocat une douzaine de dossiers proches du cas qui l'intéresse pour qu'il les analyse lui-même et qu'il voit ce qu'il peut espérer, à faire une analyse automatique de centaines ou milliers de dossiers. Et on va voir que ça pose effectivement la question de cette objectivation du réel, puisque quel réel cherche-t-on à objectiver quand on attend des algorithmes qui l'objectivent pour prédire le futur ? Tout ça pose des questions assez complexes et on va y revenir dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Let's tell the future. Let's see how it's been done. By numbers, by mirrors, by water. By dots made at random on paper. By salt. By dice, by meal, by mice, by dough of cakes, by sacrificial fire, by fountains, by fishes, writings in ashes, birds, herbs, smoke from the altar, a suspended ring or the mode of laughing. Pebbles drawn from a heap. One of these things will tell you something. Let's tell the future. Let's see. It's been done by dreams, by the features, by letters, by dropping hot wax into water, by nails reflecting the rays of the sun, by walking in a circle, by red hot iron, by passages in books. A suspended ring or the mode of laughing. Pebbles drawn from a heap. One of these things will tell you something. Prédiction de Suzanne Vega sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons de prédiction, nous parlons d'algorithmes prédictifs, précisément en compagnie de Claire Mathieu, qui est directrice de recherche CNRS et titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, et Cédric Gouy-Payet, qui est chercheur au laboratoire analyse de données et intelligence des systèmes du CEA. Je voudrais qu'on parle un peu de l'exemple américain. Les USA sont beaucoup plus consommateurs et ont moins les limites culturelles que vous évoquez évoquiez tout à l'heure, Clara Mathieu, sur l'utilisation des algorithmes dans le système judiciaire. Il faut dire également que les États-Unis sont le pays qui incarcère le plus de personnes en proportion par habitant. Et donc, pour rationaliser précisément la ventilation et la rotation des détenus dans les prisons, eh bien, des algorithmes ont été utilisés, des algorithmes prédictifs, précisément pour estimer la potentialité de récidive d'un individu qui est détenu. Alors déjà sur le principe même de quantifier la capacité ou non de récidiver, là on commence à s'approcher un peu de ce fameux fantasme de Minority Report, de dire est-ce que aujourd'hui c'est un ordinateur de quantifier la probabilité de récidive d'un détenu ou non. Qu'en pensez-vous, Cédric Bouille-Paillet ? C'est vrai que ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur, et d'autant plus quand on s'aperçoit que dans les algorithmes, il peut y avoir tout un tas de biais qui sont des biais raciaux, des biais de genre, des biais culturels, et que quand on commence à les utiliser, on a beau dire, parce que c'est un petit peu ce qui est dit aux États-Unis, c'est juste indicatif, et c'est juste une aide pour les juges, les avocats, enfin le système judiciaire. Oui, il faut préciser ça. C'est jamais l'algorithme qui a la décision finale. C'est toujours les travailleurs sociaux et les personnes qui sont en charge de la détention, mais ce sont des outils d'assistance à la décision. Et à partir du moment où on met à disposition des gens une telle décision, il faudra avoir le retour de à quel point l'algorithme est utilisé, combien de fois il est remis en cause par les gens. Ça, c'est des questions pareilles dans l'attribution des scores de crédit aux États-Unis ou même en France. Hein. On a souvent les remarques que finalement c'est juste indicatif le score et que les conseillers bancaires après ont leur propre jugement. Mais finalement, on ne sait pas à quel moment... Enfin, est-ce que c'est réellement remis en cause ? Et on n'a pas de retour sur comment c'est remis en cause. Oui, parce qu'il y a des scores de crédit. Quand vous allez chez votre banquier pour demander à ce qu'on vous prête de l'argent, on établit un score de risque, précisément, qui vous est attribué et qui doit assister et convaincre votre banquier de vous prêter ou non de l'argent en fonction de ce score. Mais pour rester sur le domaine judiciaire, Claire Mathieu, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes, des problèmes de biais, comme vient de le dire Cédric Gouille-Paillet, qui ont été pointés d'ailleurs par la journaliste Julia Angouin, dans une enquête qu'elle avait publiée en 2016, qui s'appelle Machine Bias, les biais de la machine, et qui indique qu'effectivement l'algorithme sur 18 000 cas, donc une cohorte relativement significative, l'algorithme était biaisé, ou les décisions algorithmiques étaient biaisées dans 40% des cas, donc presque un cas sur deux, ce qui est énorme. Oui, j'ai accueilli récemment au Collège de France John Kleinberg, qui a fait un séminaire où il a parlé de ces méthodes de prédiction pour aider les juges à décider de remise en liberté conditionnelle. Et il a observé quelque chose de tout à fait intéressant. Il a dit, les gens disent, c'est injuste, ça ne marche pas bien, il y a un biais. Comment définir ce qui serait équitable ? Et il a donné trois critères. Il a dit, si chaque personne reçoit un score, ce score est censé représenter la probabilité que la personne récidive ensuite. Eh bien, il faut que ce soit bien calibré. Donc, si les gens qui ont score 0,4, si on les regarde en tant que groupe, ils ont effectivement un risque de 40% de récidive. Mais il faut que ce soit aussi bien calibré si on les regarde selon leur origine ethnique. Et puis, si on regarde l'ensemble des gens qui récidivent, ceux qui sont d'une certaine origine ethnique, il faut que leur score moyen soit le même que les autres. Par exemple, les Africains-Américains et les Blancs. Et ceux qui ne récidivent pas, il faut que leur score moyen soit le même, qu'ils soient Africains-Américains ou qu'ils soient Blancs. Donc ça, c'est quelques principes de base pour essayer de définir de façon mathématique ce que c'est qu'un score équitable. C'est-à-dire qu'il faut pondérer en quelque sorte. Voilà, il faut pondérer, il faut que ces poids aient un sens. Et que les deux origines ethniques ne soient pas traitées de façon à discriminer l'une par rapport à l'autre. Et il a dit, voilà, on pose ces trois conditions de base, eh bien, impossible. Il n'existe pas de fonction de score qui satisfasse simultanément ces trois propriétés, hein, sauf dans des cas triviaux. Et donc, ce que ça signifie, c'est que notre idée de ce qui est équitable, ça ne peut pas être réalisé par des fonctions de score. Donc ça remet en question. Ce que ça veut dire, c'est que le problème n'est pas avec le logiciel, mais il est vraiment avec notre définition mathématique d'équité. C'est ça, le double biais. Alors il y a évidemment le biais classique du programmateur, hein, puisqu'un algorithme ne n'est pas ex nihilo, il est programmé par un être humain, donc qui d'une façon peut lui transmettre ses biais. C'est ce que indiquait l'enquête de Julia Angwin, qui notait précisément, hein, que les personnes noires avaient deux fois plus de chances d'être considérées à haut risque de récidive, alors que de facto sur son enquête c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elles récidivent deux fois moins que les détenus blancs. Et d'autre part, on demandait aux algorithmes d'avoir une sorte de mathématisation objective d'une réalité sociale. Si la réalité sociale est comme aux États-Unis, le fait que les personnes noires sont beaucoup plus incarcérées que les personnes blanches, du coup, ça devient une réalité sociale qui est ancrée comme une donnée objectivée par un algorithme qui va ne faire que reproduire cette donnée objectivée puisqu'elle la prend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des données d'entrée. C'est vrai qu'à partir du moment où on met la donnée en entrée de l'algorithme, l'algorithme il va optimiser la fonction de score. Et donc, s'il s'aperçoit qu'en utilisant le fait que la personne est, alors aux États-Unis, d'origine hispanique, native américaine, afro-américaine, etc., s'il s'aperçoit que ça lui permet d'améliorer sa fonction de score, il va l'utiliser. Donc, la question, c'est un petit peu. Est-ce que le biais il est dans les données ou il est dans la manière dont c'est programmé? Et si c'est dans la manière dont c'est programmé, une des solutions, alors ça résout pas tout, mais c'est quand même que les algorithmes soient un petit peu ouverts, qu'on sache comment c'est fait, quelle était la fonction de coût, quel était l'algorithme, pour qu'on puisse les expertiser d'une manière un petit peu plus fine que en mettant des entrées en regardant la sortie. Or, dans le cas des États-Unis, l'algorithme, c'est un algorithme qu'on appelle propriétaire, c'est-à-dire c'est que ça. Le code source est conservé par l'entreprise et pas divulgué. En l'occurrence, pour le logiciel Compass, qui vient d'une entreprise qui s'appelle Equivant, qui s'appelait Northpoint, effectivement, il y a 137 critères dont la plupart relèvent du secret commercial de l'éditeur, c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas, on n'a pas accès à la nature des critères qui permettent d'arriver in fine à scorer justement les potentiels de récidive. Voilà, donc pourquoi dans beaucoup de cas les gens veulent pas donner les algorithmes? Parce qu'ils considèrent que c'est le droit des affaires, parce que ils considèrent que s'ils donnent les algorithmes, alors des concurrents vont pouvoir s'en servir aussi. J'aimerais qu'on dise un mot aussi de l'autre grand domaine dans lequel les algorithmes prédictifs sont employés, ou en tout cas s'introduisent de façon de plus en plus fréquente. C'est le domaine de la médecine et de la santé. Je le disais au tout début de cette émission, Google vient de dévoiler un algorithme capable de prédire la durée du séjour, les probabilités de réadmission hospitalière en cas de première admission, et donc également les risques de décès du patient. On comprend que ces algorithmes servent une fois de plus à optimiser la fonction hospitalière, la disponibilité des lits, le roulement des patients. Que faut-il en penser? Est-ce qu'on bute sur les mêmes problèmes que ceux que l'on vient d'examiner pour ce qui concerne la récidive ou les affaires judiciaires, Claire Mathieu, à votre avis? Il me semble que les problèmes potentiels sont très similaires. Il y a des questions de biais. Une partie du biais, c'est que ce que prévoit l'algorithme est en fait le reflet du passé. Donc le biais des décisions passées va naturellement se trouver reproduit dans l'algorithme. Une autre difficulté potentielle, c'est le biais envers tous ceux qui sont en situation minoritaire. À savoir, l'algorithme qui utilise les données, qui fait des statistiques sur les données, plus il y a de données, plus le résultat est précis. Donc s'il y a 90% de gens d'une catégorie et 10% de l'autre, il y aura beaucoup plus de données sur ces 90% et donc les résultats seront beaucoup plus précis et donc la prévision sera meilleure. Et les autres, pas à cause d'une volonté propre, mais simplement par le fait qu'ils sont minoritaires, l'échantillon est plus rare, c'est plus imprécis et donc la prévision sera moins bonne. Et donc on peut dire, a posteriori, on peut dire « Ah, mais c'est biaisé contre telle ou telle catégorie de patients ». Et en fait, c'est pas un biais, c'est un biais, pour ainsi dire, essentiel, intrinsèque, parce qu'ils sont minoritaires. par défaut de quantité de données. On attend beaucoup de ces de cette médecine prédictive, Cédric Gouy-Paillet. On attend beaucoup en termes de rationalisation, puisqu'il y a également des modèles d'hospitalisation prédictifs, comme je viens de définir ce que Google propose. Il y a des modèles qui peuvent concerner également la perte d'autonomie, les risques, les scores de perte d'autonomie d'un patient. Il y a surtout des modèles de prédictivité des coûts, c'est-à-dire de pouvoir envisager les patients dont le coût de soins, de prise en charge va devenir potentiellement de plus en plus élevé. Voilà, et ça pose des problèmes éthiques qui sont pas forcément mon premier domaine d'expertise, mais on imagine très bien les applications pour les assureurs. Si en fin d'année l'assureur X fait tourner un modèle pour vous, Nicolas, et qu'il s'aperçoit que vous avez une chance de 80% de faire un séjour à l'hôpital en 2019, il va peut-être vouloir dire au bout d'un moment, tiens, je vais augmenter la cotisation pour l'année prochaine. Et donc là, on arrive dans des algorithmes effectivement qui sont capables de faire ça. Quand il y a assez de données, si on n'est pas effectivement dans des minorités et que c'est biaisé pour certains, on a des algorithmes qui sont disponibles. Donc il faut soit réguler par la loi, soit s'assurer que la notion éthique est bien respectée et que elle respecte ce que nous on attendrait de leur utilisation. On est vraiment dans une tendance où à la généralisation de ce type d'utilisation des algorithmes prédictifs, ou est-ce que vous avez le sentiment, comme par exemple on est en train de se rendre compte, on l'évoquait tout à l'heure, que dans le domaine judiciaire on se rend compte des biais, que ça marche peu, que petit à petit des gens finissent par renoncer. Dans le domaine médical, on a plutôt l'impression que c'est le mouvement inverse, que ça marche de mieux en mieux, que c'est utilisé de plus en plus. Qu'en pensez-vous? Je pense que ces méthodes sont précieuses en médecine. Elles peuvent être précieuses pour, par exemple, faire de l'analyse d'image et prévoir les risques d'évolution d'une maladie. Elles peuvent avoir un rôle de conseil pour les médecins on peut pas dire non. Si le médecin vous dit, est-ce que vous m'autorisez à rentrer toutes les données que j'ai sur vous, tous les résultats d'examen dans une machine, et puis demain la machine va me donner des informations, me proposer un traitement qui va être beaucoup plus précis, beaucoup mieux adapté à votre cas particulier que ce que moi je pourrais imaginer en suivant le protocole standard. Moi je vais lui dire oui, allez-y. Je pense que beaucoup de gens feraient la même chose. Donc, a priori, à première vue, je pense que ces algorithmes, ces perspectives sont passionnantes et elles donnent envie. Simplement, il faut effectivement commencer à penser aux limites, aux garde-fous qui pourraient empêcher qu'on s'en serve pour, disons, pour une optimisation budgétaire. Cédric Gouy-Paillet. Et si je reviens sur la notion d'interprétabilité, ça peut aussi passer par le fait de mettre l'humain un peu plus dans la boucle de l'algorithme. C'est-à-dire, donc si je reviens sur les buts de l'interprétabilité, si on est dans le domaine médical et qu'on a un modèle qui nous dit, je sais pas, vous avez un risque de développer un cancer de la prostate l'année prochaine. De 47%. De 45%. Toujours chiffré, hein, faut rappeler qu'on est là dans la manipulation de statistiques. Voilà. Ouais. Ajouter de l'interprétabilité à ça, c'est quoi? C'est déjà prendre le modèle et dire, parmi toutes les variables que j'ai mis en entrée, alors déjà être transparent sur les variables, ça c'est un peu lié, c'est un peu le but de la réglementation, des évolutions de la réglementation actuelle, être capable de dire la variable qui est la plus utilisée par le modèle, c'est celle-ci, c'est l'âge du patient. Donc là, celui qui reçoit la statistique, il dit « bon bah c'est normal, j'arrive à 60 ans, c'est quelque chose de normal ». Ensuite, il y a un deuxième niveau d'interprétabilité qui est encore plus important, qui est, étant donné une décision particulière, pourquoi est-ce que l'algorithme a été conduit à donner celle-ci, mais dans ce cas précis? Et donc là, il faut regarder... pour le cas particulier de cet homme de 60 ans, qu'est-ce qui a conduit à donner ça et pourquoi le score c'est de 45% et pas de 20% comme la moyenne de la population. Donc c'est parce que ses ancêtres ont eu peut-être un cancer de la prostate, etc. et que donc l'algorithme a été conduit à donner ça. Et une troisième niveau d'interprétabilité, ça peut être aussi de dire, ok, mais j'ai envie de savoir, si je fais un petit peu varier mes données, si par exemple un des facteurs en entrée c'était est-ce que je fume ou est-ce que je fume pas, là aujourd'hui j'ai 45%, si maintenant j'arrête de fumer, est-ce que ça va changer le score ? Donc si on a tout ça, on donne un petit peu le cadre qui fait que l'humain est capable de prendre en main l'algo et d'interpréter un petit peu mieux. J'aimerais qu'on aborde dans les quelques minutes qui nous restent tout de même la question centrale, notamment dans le domaine médical, de l'accès aux données, de leur interprétation. Ces données, comme vous le disiez tout à l'heure, Claire Mathieu, si on me dit moi je rentre toutes vos données de santé dans la machine, et la machine va arriver à avoir beaucoup plus finement et à aboutir à un traitement beaucoup plus précis que je ne le ferais moi-même, et puis ça éviterait des errances de diagnostic. Ces données-là, aujourd'hui, leur conservation, leur utilisation, vous pensez qu'elle est suffisamment réglementée, notamment en France ? Je pense que la loi évolue très très vite dans le cas présent sur la protection des données et leur transmission et leur stockage. Il y a une harmonisation qui est en train de se faire en Europe. Donc ça, l'évolution est tout à fait positive. En ce qui concerne ce qui se passe sur le terrain, je peux vous dire que dans les hôpitaux, ma foi, on n'en est pas encore à une intégration harmonieuse des données, même entre différents services du même hôpital. Et il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. J'ai un petit bout de texte de loi qui dit en France, l'utilisation de ces données à des fins d'analyse prédictive ne doit en aucun cas mener à une prise de décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité sans intervention humaine et sans que la personne concernée ne soit mise à même de présenter ses observations. Ça veut dire qu'on veut bien mettre l'interprétabilité au cœur de cette démarche et pas laisser les algorithmes les mains libres. C'est ça. On s'aperçoit que dans la nouvelle réglementation, la RGPD, il y a réellement la volonté d'aller vers ça. On lisait ensemble tout à l'heure la suite de l'article et il y a quand même tout un tas d'exceptions ensuite dans ce qui est écrit, qui fait que aujourd'hui il y a la volonté, c'est-à-dire de mettre l'interprétabilité, de faire en sorte que quand on a une décision, on puisse comprendre pourquoi. Il y a aujourd'hui encore tout un tas de moyens de contourner et un certain nombre d'exceptions qui fait qu'il faut attendre quelques mois, parce que là, la mise en place, c'était fin mai, hein, c'était le 25 mai. Il faut attendre quelques mois avec les premiers procès, etc., pour voir si on arrive à en sortir quelque chose d'utilisable pour les citoyens. Et on va vous renvoyer vers l'émission que nous avions consacrée à ce RGPD, à ce qu'il peut changer ou non à nos vies numériques. Merci beaucoup à tous les deux, mais il est déjà 16h52 et comme tous les mercredis, et pour le dernier mercredi de l'année, eh bien c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main où nous recevons un chercheur, une chercheuse qui vient nous présenter ses travaux de thèse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Lagasse. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes doctorant de troisième année de l'Université Paris-Descartes, École doctorale de droit numéro 262, Centre Maurice Auriou. Bienvenue à la méthode scientifique, c'est à vous. Merci. Ce que je vais traiter, donc les mégadonnées et l'analyse prédictive au service de la sécurité publique. En 1749, Alexandre Guillotet, officier de la maréchaussée, présenta dans son mémoire sur la réformation de la police de France un projet visant à réaliser un méga-fichier où toute la population serait enregistrée et tracée dans ses mobilités. Il y voyait dans ce fichier une sorte de chaîne qui laisse toute liberté de faire le bien et qui ne permette que très peu, très difficilement, de commettre le mal. Utopiste, Guillotet avait néanmoins saisi la problématique de la sécurité des mobilités, des personnes et des biens, avec pour finalité de mieux gouverner l'espace et ses circulations. Deux siècles et demi plus tard, la transformation numérique, troisième révolution industrielle, amène les gouvernants à revisiter ce que Michel Foucault nommés les dispositifs de sécurité. Sur ces aspects, le Big Data est un nouveau flux. Comme tout flux, il fait l'objet de mesures de protection, de contrôle et de régulation. Pour ces raisons, le Big Data relève, selon les critères de Frédéric Gros, d'un domaine de sécurité. Par ailleurs, les mégadonnées ou Big Data et l'analyse prédictive révolutionnent la statistique en privilégiant la méthode de raisonnement inductive supplantant progressivement

Aventure sur France Culture. Dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire de la semaine, le génie des bébés, par Nejma Bouakra et Franck Lilin. Tout à l'heure, à 18h20, du grain à moudre, Mexique, l'instabilité permanente, c'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, demain, avant-dernier épisode de la saison, et pour cette fin de saison, on vous gâte avant un vendredi où vous retrouverez tous vos intervenants préférés de la méthode scientifique pour un numéro spécial de la SF plein la valise. Demain, nous parlerons révolte des androïdes avec le patron du studio Quantic Dream et auteur réalisateur du jeu vidéo Detroit Become Human, David Cage. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.